parole et la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Au commencement.